Lettre 95e, Valérie à Théophanie, Byzance, octobre 304. On m'a séparé de toi, Théophanie, de la seule personne au monde qui comprenne mes sentiments, pour m'amener dans les bras d'un père qui ne m'a jamais vu et que je n'appris à connaître que par le redoutable effet de sa puissance qui détruisit pour toujours mon bonheur. Je t'écris dans ce moment pour tâcher de calmer mon extrême émotion. L'empereur, après avoir passé plusieurs mois à Salonne, où sa santé s'est faiblement remise, est enfin arrivé hier ici où l'on m'avait entraîné pour l'attendre, loin des lieux qui renferment tout ce que j'ai de plus cher. Je dois lui être présenté demain. Un mélange de sentiments contraires remplit mon cœur. Ah, Théophanie, oserais-je t'avouer que la crainte et même la répugnance sont les plus prononcées? Pourquoi? Oh, pourquoi ne m'a-t-on pas laissé dans mon heureuse obscurité et dans mon île chérie? Retenu par un doux lien, il vivrait encore, et moi, quel mortel eût jamais été plus fortuné? Patrie révérée dont tout me rappelle la verdure si fraîche, les eaux si limpides, et ces brouillards légers voilant par mille formes bizarres l'éclat trop vif du soleil qui dévore ces contrées. Pourquoi vous ai-je quitté, rivage adoré de la Tamise? Là, j'étais si heureuse. Ici, tout pour moi est triste et sombre. À quoi me sert d'être fille d'un empereur? À quoi me sert la splendeur du ciel de l'Asie? Je veux vivre sous un ciel couvert de nuages, sous l'ombre d'immenses forêts, là où un seul être changea pour moi en paradis la nature entière, dans cette simple maison, sans ornement, sans luxe, dont sa présence faisait un temple, où j'étais aimé, où j'aimais de toutes mes facultés, où mon âme entière, attachée à ses lèvres, n'eut plus de pensée que les siennes, et mon cœur plus d'autres sentiments que ceux qu'il m'inspirait. Si je ne dois plus vous revoir, lieu chéri, plein de souvenirs, ah, du moins qu'on me laisse vivre auprès de la colline où il dort sous le gazon. C'est là qu'est ma patrie, nulle part le monde ne m'en offre une. Ah, Théophanie, j'étais autrefois bien heureuse. Personne que toi, peut-être, ne peut se faire une idée de la félicité dont je jouissais près de lui. Tout en moi était harmonie, paix et jouissance pure, telles étaient mes sensations. Tu me comprends, n'est-ce pas? Tu sens comme moi ce que je ne puis expliquer. Mais non, cette faculté ne t'est pas donnée. Tu ne peux aimer Agathoclès comme j'aimais Florianus. Il ne fut pas ton instituteur. Tout ce que tu es n'est pas son ouvrage. Ce n'est pas lui qui t'éclaira d'une céleste lumière. Ce n'est pas sa bouche qui te dévoila les mystères du salut éternel. Son esprit ne t'a pas ouvert les portes du ciel, et à présent... Adieu, Théophanie, je n'ai plus rien à ajouter, car je n'ai plus rien à espérer ni à penser. Ma vie, mon existence morale, a cessé avec la sienne. Deux jours plus tard. L'heure tant redoutée est passée, et je respire plus librement. Ô nature, ô religion, quelle puissance sur la terre égale la vôtre! Ô mon père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Un jour, à Eboracum, j'étais assise à côté de Florianus, écoutant le récit du pardon de nos péchés. Ses yeux répandaient un feu divin qui pénétrait dans mon âme. Lorsqu'il en fut à la mort si touchante de notre Sauveur, et qu'il répéta ces paroles si sublimes, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » L'expression de sa figure, le son de sa voix, avait quelque chose d'inspiré qui me saisit involontairement et me rendit présent tout ce qu'il venait de me peindre. Je voyais, je sentais que lui aussi saurait pardonner. Tremblante d'amour, enflammée de piété, je me levai. Il m'empêcha de tomber à ses pieds, mais je m'emparai de sa main. Je la pressai de mes lèvres, je la serrai contre mon cœur. « Ô mon maître, ô mon guide !» lui dis-je à voix basse. « Pardonne à ta pauvre Valérie, elle t'aime plus que sa vie, plus que tout. » Ô Théophanie, avec quelle tendresse il reçut cet aveu échappé à mon cœur. Avec quelle force il me fit sentir que Dieu seul et son Fils mort pour nous devaient être aimés par-dessus tout. Ô Théophanie, et c'est d'un tel homme dont j'étais aimé, c'est un tel homme que j'ai perdu. Avant-hier, je ne discontinuais pas de m'humilier devant Dieu et de lui demander un cœur filial et de la patience pour soutenir l'épreuve qui m'attendait. Fatigué, inondé de larmes, je parvins vers le matin à fermer les yeux. Un rêve agréable, le premier de ce genre que j'ai fait depuis sa mort, vint sécher mes paupières. Je le vis comme s'il était encore vivant et tel que je le voyais en Bretagne. j'éprouvais une de ces sensations singulières qui n'appartiennent qu'aux songes. J'avais cependant la conviction qu'il était mort, et je n'en éprouvais pas moins la joie la plus pure et la plus douce de le voir ainsi devant moi, mêlée cependant d'une sorte de crainte. Je courus dans ses bras, tremblant que ce ne fût qu'une illusion. Mais ce n'était point une ombre, c'était bien lui-même. Il me serra sur son cœur, j'en sentais les battements. Il m'entourait de sa main droite, il éleva la gauche au ciel, et de cette même voix inspirée qui me fit tant d'impression à Eboracum, et qui retentit encore dans mon âme, il prononça ces divines paroles. « Ô mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En finissant, je vis sa figure, comme brillante de gloire, se dissiper insensiblement et n'être plus qu'une lueur éclatante. Pénétré profondément de cette espèce de vision, je me réveillais, et longtemps après j'en conservais encore l'impression. Mes larmes coulèrent par torrents sur la perte de mon ami. Lorsque tout à coup je pensai à l'entrevue du lendemain, à cet homme redoutable que je devais nommer mon père, à tout ce que j'avais souffert par lui, à ce que je souffrirais peut-être encore, la voix divine de Florianus se fit entendre encore une fois à mon cœur en répétant les paroles de notre Sauveur. Au même instant, le voile tomba de mes yeux et je me trouvais comme métamorphosé. Je pouvais pardonner, excuser. Je sentais même la faculté d'aimer celui qui jusqu'ici m'a fait trembler. L'empereur ne connaissait point mes relations, mes penchants lorsqu'il me fit sortir de Bretagne. Il avait mon bonheur à cœur. Il a cru me rendre heureuse. Hélas, il y a si peu de monde qui sache rendre heureux les autres à leur manière. L'homme prend volontiers ses souhaits pour règle générale, et s'il avait connu les miens, combien ils auraient paru chétifs et misérables à lui dont dépend le bonheur du monde entier. Une cabane, et y voir quelquefois Florianus, m'aurait suffi. C'est là ce que je pensais, ou plutôt c'est ainsi que l'ange qui m'était apparu avait disposé mes esprits en prononçant ces paroles sublimes. Oui, Théophanie, il fut, il est encore mon ange tutélaire. Pour me conduire sur le chemin du salut, il prit la figure de mon ami. Il est retourné aux cieux, où je le retrouverai, si je suis digne de le suivre. Oh, laisse-moi cet espoir consolant. Lui seul peut me soutenir et me donner la force de remplir mes devoirs. Dès que mes idées eurent pris ce cours, je me sentis soulagé. Avec une entière soumission, je dirais même avec une agréable impatience de voir enfin celui à qui je tenais par des liens si sacrés, je me laissai couvrir de pierreries et d'étoffes magnifiques qu'il m'avait envoyées, et je suivis mon conducteur. Élevé dans l'obscurité et la retraite, éloigné de tout ce qui pouvait me donner une juste idée des grandeurs de ce monde, je me les étais figurés comme au-dessus de mon imagination. Lorsque, plus tard, mon sort fut si cruellement traversé, et que je fus lancé si fort malgré moi hors de ma sphère tranquille, il se joignit un sentiment de crainte à l'idée que je me formais des souverains de la terre, qui me paraissait autant de juges sévères et redoutables. Ô Théophanie, quelle différence entre la réalité et ces images trompeuses de mon imagination! Sur un lit de repos magnifique était couché un vieillard, décrépit par les mots plus que par les années. Son attitude accablée, son regard éteint, son visage sillonné par la souffrance, ne laissait pas imaginer que ce fût le souverain de tant de milliers d'hommes. Il est vrai que la pourpre enveloppait ses membres tremblants et décharnés, mais il semblait que l'on n'en voyait que mieux la faiblesse humaine. « Est-ce donc là le maître de la terre ? » me demandai-je à moi-même. « Ô Providence, que sont les rois devant ton trône éternel ?» Un sentiment que je ne pus définir succéda rapidement à celui-là. Ce n'était plus la crainte, c'était la plus tendre pitié, c'était la voix de la nature. Mes yeux se remplirent de larmes et j'avançai quelques pas. Il se releva à l'aide de deux personnes qui étaient à côté de lui et il me tendit la main. « Viens, mon enfant, » me dit-il doucement. « Approche, Valérie, pour que je puisse te voir à mon aise. » Le son de sa voix doux et paternelle que j'entendais pour la première fois écarta le reste d'embarras que j'avais encore. Je courus à lui, je tombai à ses genoux, et je pressai fortement sa main sur mes lèvres. J'étais trop ému pour pouvoir parler. Mon père paraissait l'être aussi, mais bientôt après il se remit et m'ordonna de me lever. Il me regarda alors attentivement et dit à un jeune homme d'une figure charmante qui était à côté de lui de lui donner quelque chose qui était sur une table. C'était un portrait, et vraisemblablement celui de ma mère, que je ne connus jamais et à qui j'ai coûté la vie. Cette idée me saisit et mes pleurs recommencèrent. Il regardait alternativement mes traits et le portrait et paraissait aussi fort ému. Un de ceux qui le soignait me fit un signe. Je compris que je devais me faire violence, parce qu'une trop grande émotion pourrait être nuisible au malade. Je fus donc obligé de faire entrer mes larmes dans mon cœur. Mon père posa le portrait et me questionna avec bonté sur les particularités de ma vie, et avec un ménagement que je n'oublierai jamais, évitant avec soin tout ce qui pouvait me rappeler mon malheur. Enfin, il me présenta d'une manière significative le beau jeune homme comme mon compatriote en me disant que c'était le prince Constantin. Ah, je l'avais présumé d'avance, et j'avais désiré de ne pas me tromper. Dès lors, je fus plus à mon aise. Je trouvais sur cette terre encore un cœur que j'intéressais sûrement, qui me comprendrait, dont tous les sentiments sont à l'unisson des miens. Non, l'ami, l'élève de Florianus, ne peut pas être indifférent à Constantin. C'est ainsi que finit cette première entrevue avec mon père, et bien mieux que je ne l'avais espéré. Je dois à présent, d'après ses ordres, me rendre tous les jours chez lui, aussi longtemps qu'il restera à Byzance, le suivre ensuite à Nicomédie et ne plus le quitter. Adieu, Théophanie. Je vais me préparer pour aller à la cour. La fille d'un empereur ne peut pas, comme l'heureuse fille d'un simple particulier, se jeter dans les bras de son père sans autre préparation.